Ouais, j'y vais, ouais, bouffon, va, j'te nique. J'broyais en face, au milieu de la glace. Pas besoin de faire la grimace, pour me trouver foire d'as. J'm'habille en rappeur, pour essayer de faire peur. Mais si j'croise un cogneur, j'crème pour mon petit cœur. J'ai l'air d'une racaille, avec toute ma ferraille. Mais c'est le but du jeu, pour ça j'fais de mon mieux. Je joue en personnage, j'me donne une image. J'me prends pour un vrai dur, le genre de mec assure. En portant un bonnet, j'essaie de faire de l'effet. Et si t'es impressionné, c'est que peut-être ça le fait. Mais voyons, soyons francs, j'suis vraiment qu'un gland. Sans mon déguisement, j'suis insignifiant. Quand t'as ma démarche, ça il faut que tu le saches. Elle est pas naturelle, et comment elle pourrait-elle? J'ai rien d'authentique, tout ce que j'ai je le pique. Même dire je te le nique, c'est un stéréotype. J'ai tout cas prendre au puits, tu prends l'heure de citer. Auquel je m'identifie avec ses potes de quartier. Je copie sa tenue, sa façon de marcher. Même si porter un tutu, je continuerai limiter. Tout ça est superficiel, j'en porte les séquelles. Même pour aller à la selle, j'ai plus la gestuelle. J'aime pas les êtres humains avec leur baratin. J'y préfère les animaux, d'ailleurs j'ai une cervelle de moineau. Sur la tête de ma mère, j'suis une grosse pu. Mais ça date pas d'hier, depuis qu'au monde j'suis venu. Ouais, j'y vois, bouffon, bâtard, j'te nique à fond la caisse, fils de pute.